À 7 heures, le baron, voyant son frère, son fils, la baronne et Hortense occupés tous à faire le whist, partit pour aller applaudir sa maîtresse à l'opéra en emmenant la cousine Bette qui demeurait rue du Doyenné et qui prétextait de la solitude de ce quartier désert pour toujours s'en aller après le dîner. Les Parisiens avoueront tous que la prudence de la vieille fille était rationnelle. L'existence du pâté de maison qui se trouve le long du vieux Louvre est une de ces protestations que les Français aiment à faire contre le bon sens, pour que l'Europe se rassure sur la dose d'esprit qu'on leur accorde et ne les craigne plus. Peut-être avons-nous là, sans le savoir, quelques grandes pensées politiques. Ce ne sera certes pas un hors-d'œuvre que de décrire ce coin de Paris actuel. Plus tard, on ne pourrait pas l'imaginer. Et nos neveux, qui verront sans doute le Louvre achevé, se refuseraient à croire qu'une pareille barbarie ait subsisté pendant 36 ans au cœur de Paris, en face du palais où 3 dynasties ont reçu pendant ces dernières 36 années l'élite de la France et celle de l'Europe. Depuis le guichet qui mène au pont du Carrousel jusqu'à la rue du Musée, tout homme venu, ne fût-ce que pour quelques jours à Paris, remarque une dizaine de maisons à façades ruinées où les propriétaires découragés ne font aucune réparation et qui sont le résidu d'un ancien quartier en démolition depuis le jour où Napoléon résolut de terminer le Louvre.